Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le mardi 2 novembre 2021, nous sommes en direct, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Miremont, Jackie Castan, directeur de Seine-Vosges, qui est là pour nous parler de Seine-Vosges et de la nouvelle saison qui a déjà commencé d'ailleurs de Seine-Vosges. Donc bonjour Jackie. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très très bien. C'est reparti comme vous le dites, donc ça va formidablement bien. Parfait. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs vous connaissent, ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Seine-Vosges, c'est une structure culturelle qui est sur le département des Vosges depuis une quinzaine d'années et je suis le premier directeur, c'est-à-dire que j'ai créé cette structure à l'initiative bien évidemment de ce qu'on appelait à ce moment-là le syndicat mixte à vocation culturelle Épinal-Thaon-les-Vosges, le regroupement des villes d'Épinal et de Thaon-les-Vosges pour regrouper dans une même structure leurs trois équipements culturels. Il y en avait deux à Épinal, le théâtre municipal et l'auditorium de la Louvière et une à Thaon-les-Vosges. Voilà, c'est le théâtre de la Rotonde. Donc voilà, je suis depuis 2006, ce qui fait quand même un certain temps, directeur de Seine-Vosges, qui est donc le regroupement des trois équipements culturels. D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire, vous êtes le directeur donc depuis 2006. Mais quel a été votre parcours personnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des études dans le milieu dans le monde de la culture ou pas du tout? J'ai un parcours dans le monde de la culture. Au départ, je suis venu dans le monde du spectacle par l'intermédiaire du théâtre. Donc, j'ai été comédien pendant quelques années. Puis ensuite, metteur en scène. Là, je vous parle d'une époque d'il y a plus de 30 ans. Donc, c'est quelque chose de très, très lointain. Voilà, c'était le monde du théâtre, bien évidemment, qui m'intéressait. Et puis, après quelques années, on s'interroge légitimement sur quelle est la meilleure place pour être dans ce monde du théâtre. Et moi, j'ai pensé que plutôt que d'être dans la mise en scène du côté des artistes, c'est probablement dans l'organisation, dans le choix des spectacles, dans la rencontre avec des élus politiques pour définir des politiques culturelles que ma place était plutôt. Et donc, j'avais préalablement fait l'Institut d'études théâtrales plutôt pour être metteur en scène, c'est-à-dire j'ai eu une maîtrise de l'Institut d'études théâtrales de Paris 3, et puis pour acquérir un certain nombre de connaissances dans le droit, dans la législation. J'ai fait l'école supérieure des métiers de la culture à Paris, toujours. Et voilà, depuis 1993, je suis directeur de théâtre, d'abord dans le sud-ouest, puisque pendant 3 ans, j'ai été directeur du théâtre d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Et puis, pendant 7 ans, j'ai été ensuite directeur du théâtre de Vesoul, pas très très loin d'ici, dans le département de la Haute-Saône, dans le département où, en 2002, j'ai créé un festival, les Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Voilà, on a fêté cet été la 20e édition. Et puis, je suis reparti du côté de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, où j'ai dirigé pendant 3 ans l'Heure Bleue. Voilà. Et depuis 2006, comme on le disait tout à l'heure, je dirige donc Seine-Vosges et les étés, les Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Donc justement, les Pluralies pour lesquelles vous êtes déjà venu dans nos locaux, c'était avec l'IA. Exactement. Il y a un an et demi, vous me disiez tout à l'heure. Il y a un an et demi, oui, pour l'édition 2020, qui était une édition tout à fait particulière, puisque je pense que vous vous rappelez, tout comme vos auditeurs, c'était une édition où il y avait eu beaucoup, beaucoup d'annulations. Et on avait eu la chance, la volonté, le désir, nous, de faire une édition complètement modifiée, bien évidemment, en fonction de la Covid. Mais on avait absolument voulu que la pratique culturelle soit encore présente, même dans des conditions extrêmement compliquées. Et donc voilà, j'étais venu présenter le Festival 2020. Voilà, donc avec Léa, qu'on salue si jamais elle nous écoute, qui est en vacances cette semaine. Donc on lui passe un petit bonjour. Donc concernant le déroulé de cette émission, donc elle va se dérouler en 2 grosses parties, comme je vous l'ai dit en off, mais du coup je le dis là pour nos auditrices et auditeurs. Dans la première partie, nous allons parler de Seine-Vosges en général. Puis dans la seconde, nous parlerons de cette nouvelle saison qui a commencé il y a un mois et demi. Début septembre. Voilà, donc est-ce que ça vous va comme programme? Très bien. Parfait. Donc quel est le statut de Seine-Vosges? Est-ce que c'est une association? Non, c'est pas une association, c'est un service public de la communauté d'agglomération d'Épinal. D'accord. Donc c'est la communauté qui regroupe 78 communes, 116 000 habitants, et qui est bien sûr située autour d'Épinal, avec Épinal bien sûr en son cœur. Et donc voilà, nous sommes un service, nous sommes une collectivité territoriale, comme une mairie, sauf que là c'est une communauté d'agglomération. D'accord. Donc je voulais vous demander depuis combien de temps ça existe. Donc vous l'avez dit depuis 2006. 2006, alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce truc très très barbare, syndicat mixte et ainsi de suite, nous sommes depuis 2013 au sein de la communauté d'agglomération d'Épinal. D'accord. Voilà. Le projet reste exactement le même. La structure administrative porteuse du projet a évolué depuis le syndicat mixte à vocation culturelle en communauté d'agglomération d'Épinal. D'accord. Donc ensuite, du coup, vous l'avez dit également, vous êtes le directeur depuis sa création. Ouais. Voilà, c'est vous qui l'avez créé. Et donc, vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans cette émission, je crois savoir que le projet Seine-Vosges s'appuie sur trois grands lieux. Oui, ces trois lieux, ces trois équipements, les deux villes, Épinal et Thaon. On connaît tous l'histoire, mais je vais redire deux mots là-dessus, parce que bien c'est sûr. Une histoire fabuleuse, de cette rotonde à Thaon-les-Vosges, c'est-à-dire ce théâtre absolument magique qui a été créé par Charles Lederlin, qui était le directeur de la BTT, la blanchisserie teinturée thaonnaise. Et donc, quand il est venu s'installer après la guerre de 1870, son usine était dans le nord de la Moselle, donc dans une région qui est devenue allemande. Mais comme lui, il était profondément français, il a absolument voulu que son usine, la BTT, reste en France. Et il est donc venu s'installer au début des années 1870-75 à Thaon-les-Vosges. Il venait avec une usine gigantesque, hein, puisque dans le meilleur des moments, c'était 4000 employés qui travaillaient à la BTT. Et donc, en 1917, il commence le projet de construire la rotonde de Thaon-les-Vosges. Pardon, il l'a commencé en 1913 et il l'a fini en 1923, pas 1917, bien sûr. Il l'a commencé avant la guerre de 14-18. En 1913, il a le projet qui sera très vite arrêté. Si ça met 10 ans, c'est bien évidemment parce qu'il y a eu les 4 ans d'interruption avec la guerre de 14-18. Et donc, cette rotonde, c'était le foyer pour les 4000 employés. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vocation à s'ouvrir sur des personnes extérieures. C'était permettre à ces 4000 employés d'avoir les meilleures conditions humaine, de vie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y avait des salles de sport, il y avait des restaurants pour les cadres, il y avait bien évidemment un théâtre, il y avait des ateliers de balnéothérapie, il y avait eu un projet d'une piscine, enfin voilà, il y avait un équipement socio-culturel, comme on dirait aujourd'hui, tout à fait fabuleux, mais à destination des 4000 employés de la BTT. Donc voilà, pendant 50 ans, cette blanchisserie teinturerie taonnaise est bien évidemment extrêmement présente, extrêmement importante. Et puis malheureusement, au début des années 60-70, ça se passe beaucoup moins bien. Et comme beaucoup de l'industrie liée au textile dans le département, cette BTT a périclité. Et en 1975, la ville de Thaon-les-Vosges a racheté pour le franc symbolique l'ensemble de la rotonde. Mais Thaon-les-Vosges, c'est à peu près 6-7 000 en personne, de disposer d'un théâtre qui, à cette époque-là, était un théâtre pour 1200 places, 1200 personnes. Bien évidemment, c'était surdimensionné. Donc, quand la ville de Thaon a disposé dans les années 70-80 de ce théâtre, il a fonctionné, mais sans vraiment avoir un projet culturel pour pouvoir faire vivre un bâtiment aussi important que celui-ci. Et comme juste à côté, il y avait la ville des Pinal qui disposait, elle, d'un tout petit théâtre à l'italienne de 300 places et d'un auditorium qui a été inauguré en 1987, l'auditorium de la Louvière, mais qui était de 579 places, donc bien en deçà des 1200 places du théâtre de la Rotonde. Il y avait probablement l'idée, là, très rapidement, qu'il pouvait y avoir une rencontre entre une ville-préfecture de département et probablement sous-équipée ou en manque d'un équipement structurant d'importance pour une ville-préfecture de département, et à 8-10 kilomètres, une ville, une petite ville, un gros bourg de 7000 habitants, disposant d'un théâtre monumental pour cette ville-là de 1200 places. Donc les premières discussions entre la ville de Thaon et la ville d'Épinal, c'est 1990. L'idée que, bien évidemment, ils puissent trouver un intérêt commun de regrouper leurs trois équipements. Mais ça met beaucoup, beaucoup de temps parce que Thaon-les-Vosges a très peur qu'à un moment donné, la grande ville d'à côté vienne s'approprier quelque chose qui fait partie du patrimoine culturel des Thaonnais. Et puis, bien évidemment, la ville d'Épinal ne veut pas forcément investir très rapidement sur un équipement culturel qui n'est pas sur son territoire de la ville d'Épinal. Ce qui va être déterminant, c'est, vous le savez, ces grands plans, le contrat de plan État-Région, qui permet de structurer un peu les grands équipements qu'il y aura, c'est les hôpitaux, c'est les autoroutes, et c'est par exemple les théâtres. Et dans le contrat de plan État-Région 2000-2006, il y a une fiche qui s'appelle « Doter la Lorraine Sud d'un lieu structurant pour le spectacle vivant ». Et donc, c'est la réhabilitation du théâtre de la Rotonde, et puis la création d'un projet culturel sur les trois équipements. Donc voilà, moi j'arrive à la fin de ce contrat de plan 2006 et la rénovation du théâtre de la Rotonde sera effective en 2009. Et donc depuis, là on vient de commencer notre 15e saison, depuis 2006 il y a eu 15 saisons de spectacles vivants. Donc 15 saisons de Seine-Vosges du coup. Exactement, 15 saisons de Seine-Vosges. Alors Seine-Vosges c'est 5 grands domaines, hein. C'est le théâtre, c'est la danse, c'est la chanson française, c'est le cirque. Et c'est le spectacle jeune public. On n'a pas vocation à couvrir tous les arts de la scène. D'abord parce qu'il y a d'autres qui le font très très bien. Hein. Je pense au Floréal Musical, par exemple, qui fait dans le domaine de la musique classique des choses tout à fait intéressantes. Et puis, c'est notre projet hein, de développer le spectacle vivant dans ces 5 directions-là. D'accord. Et donc, du coup, le projet Seine-Vosges donc, se déroulera au théâtre municipal d'Épinal, à l'auditorium de la Louvière d'Épinal et au théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges, voilà, pour nos auditrices et auditeurs s'ils veulent assister à certains spectacles. Mais du coup, est-ce qu'un lieu en particulier est pour une activité en particulier, par exemple le théâtre municipal pour le théâtre, l'auditorium pour autre chose, etc. Ouais, ça pourrait être ça. Non, c'est pas ça. Hein, d'abord parce qu'on a 5 activités. Il hein. Y a que 3 lieux. Non, ce qui est déterminant, bien évidemment, c'est le projet artistique. C'est celui-ci qui permet de déterminer s'il aura lieu au théâtre municipal ou à l'auditorium de la Louvière. Ce qui est aussi déterminant, bien évidemment, c'est la jauge des spectateurs. Alors, je suis pas allé au bout de mon raisonnement tout à l'heure sur la rénovation du théâtre de la Rotonde. Cette rénovation a bien évidemment été une rénovation lourde, avec un aménagement tout à fait remarquable, mais on a perdu beaucoup de sièges. Pour le confort des spectateurs, on est passé de 1200 places à 864 places, et donc ça reste quand même 3 jauges très complémentaires, 300, 579, 864, et donc pour répondre à votre question, c'est bien aussi le public potentiellement attendu par rapport à un spectacle qui peut déterminer si le spectacle... On fait la priorité, le plus grand nombre de spectacles au Théâtre de la Rotonde, parce que c'est un... D'abord, le Théâtre de la Rotonde peut quasiment accueillir tous les spectacles, avec une scène absolument magique, merveilleuse, très bien équipée techniquement, grâce à cette rénovation de 2009. Donc c'est vrai que le Théâtre de la Rotonde accueille plus de la moitié des spectacles de Seine-Vosges. D'accord. Et puis... À l'inverse, le théâtre municipal est un théâtre absolument divin en termes d'acoustique, mais avec quand même une ouverture au cadre de scène de 6,50 m. Alors peut-être que pour vos éditeurs, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est très très très petit, 6,50 m. Et donc, il y a beaucoup de spectacles qui ne peuvent pas passer. Et donc, on accueille 3 à 4 spectacles par an au théâtre municipal d'Épinal. D'accord. Donc il est 14h14, avant de parler plus en détail de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une toute première fréquence musicale que vous avez choisie, avec pour volonté de coller à la programmation de Seine-Vosges, et que nous écoutions Jeanne Haddad, j'espère que je le prononce bien, avec son morceau intitulé Mutate, pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire. Jeanne Haddad est une chanteuse française qui chante majoritairement en anglais, et le morceau que nous allons écouter est sorti en 2018. Il est plutôt typé musique alternative indé, et il est issu de l'album Radiate de Jeanne Haddad. Il s'agit du 2e album studio de la chanteuse, album sorti en septembre 2018. Donc du coup, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 5 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Kind of sensation, see, can you see how we're at? Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Il est 14h20, vous venez d'écouter Jeanne Haddad avec le titre Mutate. Nous espérons vous apporter un petit peu de soleil par ce temps tout gris, tout pluvieux, tout moche. Surtout que les écoliers, les étudiants sont en vacances, il me semble, en ce moment. Donc profitez-en et passez vos vacances avec nous à Radio Gemozo. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Jackie Castan, directeur de Seine-Vosges, qui est là pour nous parler du coup de Seine-Vosges ainsi que de la nouvelle saison de Seine-Vosges. Ça va toujours ? Toujours, très bien, merci. Parfait. Donc j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, bien qu'on en ait un petit peu parlé avant cette pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? On est en plein dans l'actualité, vous l'avez présenté comme ça, c'est-à-dire on colle à l'actualité. C'est vendredi, c'est dans 3 jours hein, qu'on accueille Jeanne Haddad. Vous prononcez bien, c'est vrai qu'on aurait pu avoir tendance à se dire Jeanne Haddad. Non, c'est bien évidemment, elle est française, elle est de Reims, elle est du Grand Est, et on dit bien Jeanne Haddad. Voilà, c'est une chanteuse qui a eu une victoire de la musique, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Elle est reconnue complètement par la profession. Vous savez, la victoire, c'est la profession qui donne, qui reconnaît ses artistes. Donc c'est bien évidemment quelque chose de très important. Elle sera dans une configuration vendredi au Théâtre de la Rotonde tout à fait exceptionnelle, qui est une configuration qu'elle a choisie elle-même, qui est au cœur des spectateurs. Alors le Théâtre de la Rotonde n'est pas du tout conçu comme ça, hein, c'est un rapport dit frontal. D'un côté il y a la scène, de l'autre côté il y a les spectateurs. Et donc il y aura un certain nombre de spectateurs qui seront directement sur scène, et elle sera sur les 3 premiers rangs des spectateurs traditionnels, qui bien évidemment ne seront pas là. Et donc voilà, elle sera au cœur des spectateurs pour être en solo en plus. C'est quelque chose d'assez étonnant et incroyable. Alors elle aura bien évidemment, comme vous avez pu l'entendre, c'est beaucoup de la musique électronique. Elle sera accompagnée par un musicien qui sera en coulisses avec ses ordinateurs et tout ce qui permet d'avoir un complément à son travail. Mais elle sera là également avec ses synthétiseurs, ses ordinateurs, sa voix, sa présence. Et donc, pourquoi l'avoir choisi ? C'est parce qu'on est dans la semaine d'accueil de Jeanne Haddad. Et donc, voilà, on l'aura vendredi soir au Théâtre de la Rotonde. Voilà, donc le 5. Vendredi 5 novembre à 20h30. À la Rotonde, du coup. Donc, du coup, comme vous venez de le dire, Jeanne Haddad sera présente, ainsi que les artistes des 2 autres fréquences musicales que nous allons écouter. Ouais, j'ai pas été très, très innovateur, là. J'ai pris, parce que je me dis que Jeanne Haddad, peut-être que certains de vos auditeurs la connaissent, peut-être d'autres ne la connaissent pas. Juste une petite aussi anecdote par rapport, pour terminer sur Jeanne Haddad, c'est que depuis 2006, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, notre projet est en direction de la chanson française. Alors, bien évidemment, Jeanne est française, mais quand elle chante en anglais, et c'est la première fois depuis 2006 qu'on accueille une chanteuse qui chante en anglais. Quand on me demande mais pourquoi rompre avec cette tradition d'accueillir uniquement des chanteurs en langue française, c'est pour Jeanne Haddad. Pour moi, elle a tellement une particularité, elle est tellement originale, tellement incroyable. Voilà, on a un peu donné un coup de canif dans notre projet culturel pour pouvoir accueillir Jeanne Haddad. Et surtout que Jeanne Haddad, comme nous venons de l'entendre, a comme une voix assez puissante. Oui. Donc, elle a une maîtrise totale de sa voix, ce qui est assez incroyable. Elle nous emmène dans des univers tout à fait particuliers. Voilà, c'est ce parcours-là qu'on vous propose vendredi soir à la Rotonde. Voilà. Et donc, comment se sont passées les prises de contact avec les différents artistes, que ce soit des artistes circassiens, des chanteurs, des magiciens, etc., qui viendront performer à Seine-Vosges ? Comment se sont passées les prises de contact ? Les prises de contact sont assez faciles. Moi, en tant que directeur, une de mes premières missions, peut-être même probablement la première mission, c'est d'assumer la programmation artistique. C'est-à-dire que là, il y a une trentaine de spectacles de la saison 21-22, et c'est moi qui fais la programmation, donc je me déplace beaucoup hein, pour aller voir des spectacles, mais je reçois aussi beaucoup de propositions. Hein. C'est une cinquantaine de propositions par jour. Donc c'est vraiment énormément, je crois, mais enfin, on n'a rien d'exceptionnel à Seine-Vosges, bien évidemment, mais on est un lieu repéré quand même, malgré tout. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui souhaitent passer à Seine-Vosges, et donc on reçoit beaucoup de propositions. Donc voilà, je trie dans tout ce qu'on reçoit, dans ce que je vais voir, dans ce dont je parle avec mes collègues directeurs de théâtre, et c'est à partir de ce moment-là que je fais la programmation. Là, je suis pleinement, bien évidemment, en train de travaillé sur la programmation 22-23. On va la clôturer à peu près vers fin février. D'accord. Pour le temps d'édition de la plaquette, le temps de réservation des spectacles, des artistes, pour avoir une plaquette qui va sortir vers le 1er juin. D'accord. Mais donc justement, faire ces choix, c'est pas toujours évident de faire les choix, si ? Oui, comme tout choix, hein, il est réducteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit souvent se tromper. Hein, si à un moment donné, je suis là depuis peut-être 15 ans, c'est peut-être aussi parce que je satisfais un certain nombre d'attentes, parce que je pense prioritairement du côté de mes employeurs, c'est-à-dire les élus de la communauté d'agglomération d'Épinal. La proposition qui est faite les intéresse. Et puis c'est vrai qu'on est quand même sur une reconnaissance par le public assez merveilleuse. On a des taux de fréquentation entre 80 et 90%. Là, je vous parle d'un autre monde. Hein. Je vous parle du temps avant Covid. Hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, la Covid a modifié beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr. Y compris, bien sûr, dans le monde du spectacle vivant. Donc là, on a eu, comme beaucoup de théâtres, beaucoup d'équipements culturels, une baisse de fréquentation plutôt moindre qu'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on perd entre 5 et 10%. Mais quand on passe de taux de 80-90% à 70-80%, eh bien forcément, on n'est pas dans la bonne direction. Mais voilà, on reste avec des taux extrêmement importants. Il y a par exemple, pour le concert de vendredi soir, plus de 600 spectateurs qui sont déjà annoncés. Donc voilà, on reste sur des fréquentations, ce qui veut dire, comme vous l'avez compris, dans une salle de 850 places, il reste de la place, mais on a quand même l'assurance d'avoir un concert de grande qualité partagé par un public important. Bien sûr. Et donc, si jamais certains de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent assister aux différents spectacles, on le rappellera à la fin de l'émission, mais bien sûr, port du masque obligatoire dans la salle et passe sanitaire ? Non, passe sanitaire, mais pas port du masque. D'accord. C'est-à-dire qu'on travaille bien évidemment avec la préfecture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le contrôle du passe sanitaire, les gens gardent ou enlèvent leur masque, font comme ils le souhaitent. Alors là, début du mois dernier, le 1er octobre, on accueillait par exemple Olivia Ruiz. J'aime bien raconter cette anecdote parce que elle était assez révélatrice de on sort quand même d'un monde incroyable pendant un an et demi. C'est que comme on proposait aux spectateurs soit d'enlever ou de conserver leur masque, la plupart, quasiment tout le monde a enlevé son masque. Et à un moment donné, Olivia Ruiz demande à rallumer la salle et voit pour la première fois depuis un an et demi, elle avait fait 3 concerts depuis mais masquée, voit des spectateurs sans masque. Et elle n'a pas pu s'empêcher de dire « Oh, comme vous êtes beau !» Voilà, tout d'un coup, il y avait de l'humain qui réapparaissait et que ces visages absolument barrés, nécessaires, mais barrés par le masque, tout d'un coup, l'humanité qui en chacun de nous réapparaissait. Et Olivia Ruiz a fait cette remarque-là. Oui, bien sûr. Parce que malheureusement, avec le masque, on était en quelque sorte étaient tous les mêmes, on n'avait pas de particularité particulière. Ouais, et puis ça modifie notre rapport aux choses, hein, bien évidemment au rapport humain, mais aussi au spectacle. Hein. Suivre un spectacle avec un masque, c'est pas la même chose que de le suivre sans masque. Je crois que le positionnement de la préfecture est juste, hein, c'est-à-dire que ne rentre dans une salle que des personnes qui ont le pass sanitaire, et que donc si on a le pass sanitaire, on peut considérer qu'on est dans un espace sain. Eh oui. Et donc, je crois savoir que, du coup, Seine-Vosges est soutenue par différents organismes. Ah oui, prioritairement par la communauté d'agglomération d'Épinal. On est un service de la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc, c'est vrai que le projet, étant administrativement que financièrement, prioritairement financièrement, porté par la CAE. Et on sollicite, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'autres partenaires institutionnels, financiers, comme la Direction régionale des affaires culturelles, comme le Conseil régional Grand Est, et comme le Conseil départemental des Vosges. Ensuite, Seine-Vosges, je crois savoir que Seine-Vosges a participé à la création de Ciel en 2010 avec 4 autres structures culturelles lorraines et que par la suite c'est devenu Grand Ciel. Donc pouvez-vous nous en dire davantage sur cette... Oui, surtout Ciel, ce que ça veut dire, mais vous êtes très bien renseigné. Ciel, c'est cirque en Lorraine. Vous voyez, c'est les deux premières lettres de cirque en Lorraine et on était donc 4-5 structures avec Seine-Vosges en 2010 à vouloir donc développer le cirque en Lorraine. Et donc on s'est regroupé autour de ce projet-là. C'était un projet qui réunissait à cette époque-là, puisqu'on était encore avec une régionalisation lorraine, qui réunissait une structure du département de la Moselle, deux structures de Meurthe-et-Moselle et une structure de la Meuse. Et donc, et puis le Seine-Vosges du département des Vosges. Et on s'est regroupés pour développer le cirque. On considérait légitimement que le cirque de création n'était pas suffisamment représenté en Lorraine. Et donc, on a créé cette structure pour, bien évidemment, aller chercher des fonds et pour pouvoir aider les circassiens, les artistes de cirque, à monter leur spectacle, à faire ce qu'on appelle des tournées partagées et donc à faire un certain nombre d'actions culturelles en direction du cirque. Et pendant longtemps, Seine-Vosges a été trésorier, puis secrétaire de Ciel. Et puis en 2018, nous sommes devenus Grand Ciel parce que nous avons collé au changement de région, c'est-à-dire que la Lorraine est devenue le Grand Est et nous sommes devenus Grand Ciel avec un rayonnement sur l'ensemble de la région Grand Est. Et maintenant, nous sommes 23 structures. Ça va de Strasbourg à Reims, qui sommes intéressés par le développement du cirque, donc avec des moyens conséquents, de moyens beaucoup plus importants. Et je crois que on a créé une très grosse manifestation qui s'appelle le Printemps des Chapiteaux, qui est un festival de spectacles sous chapiteaux. Le cirque, ce n'est pas que sous le chapiteau, mais ce qu'on a voulu développer dans le cadre de ce festival-là, c'est des spectacles qui étaient sous chapiteaux. Et donc, il y a un festival qui a lieu tous les printemps et débuts d'été sur le Grand Est et qui réunit une quarantaine de spectacles sous chapiteaux. Voilà, bah justement, ma question suivante, c'était que Seine-Vosges s'inscrit également dans ce que vous appelez du coup le Printemps des Chapiteaux, mais vous voulez en parler un petit peu, non ? Exactement, on est un membre ardent du Printemps des Chapiteaux, et par exemple, nous, la saison prochaine, hein, au mois de mai 2022, on accueillera les Dodos à Golbey sous chapiteaux, et ça sera dans le cadre du Printemps des Chapiteaux, qui est une manifestation régionale, Grand Est, donc vous voyez l'importance de cette manifestation. Tout à fait. Donc il est 14h31, avant de poursuivre cette émission et de parler cette fois-ci plus en détail de la nouvelle saison de Seine-Vosges, la saison 2021-2022, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale qui colle à nouveau avec la programmation de Seine-Vosges et que nous écoutions un artiste qui viendra chanter lors de ce festival, on va dire, Da Silva, avec son morceau intitulé « L'indécision ». Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est sortie en 2005. C'est de la variété française, c'est un titre issu de l'album « Décembre en été » de Da Silva. Il s'agit du premier album studio de l'artiste, album sorti en septembre 2005. Alors, on écoute ce titre et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Guémozo, après Da Silva. Ne suspend plus son vol, atterri, abattu en plein. de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes bien sûr toujours en direct, il est 14h35. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers, toujours la Suisse, encore l'Allemagne. Vous venez d'écouter Da Silva avec son titre L'Indécision et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Jackie Castan, directeur de Seine-Vosges, qui est là pour nous parler de Seine-Vosges ainsi que de la nouvelle saison de Seine-Vosges, donc la saison 2021-2022. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Jackie ? Très bien, très très bien. Puis en plus, d'écouter ces artistes-là, ça me fait un bonheur, un plaisir immense. C'est vrai que Da Silva, alors lui, c'est prochainement, c'est le 23-24 novembre. On va avoir deux Da Silva pour le prix d'un, si je puis me permettre. C'est-à-dire que le 23-24 novembre, c'est le spectacle tout public du soir. Ce qu'on vient d'entendre quelque part, c'est-à-dire que c'est un auteur-compositeur, interprète Da Silva, et il sera ce soir-là accompagné de sa simple guitare, et je crois que ça sera à l'auditorium de la Louvière, qui est un espace qui permet d'être en grande proximité avec l'un de ses artistes quand même, qui est un artiste majeur de la chanson française depuis une vingtaine d'années, et donc voilà. Et puis le deuxième Da Silva, ça sera celui de l'après-midi pour le jeune public, et il va proposer au jeune public Le Mystère des Couleurs. Il a écrit un conte à partir des couleurs, et là il sera accompagné par un percussionniste, donc ils seront deux sur scène, et voilà, c'est un merveilleux petit conte avec un corbeau, enfin c'est quelque chose que nous on propose pour les enfants à partir de 4 ans, et voilà, comme on l'a dit au début de l'émission, le projet est en direction de la chanson française et des spectacles jeunes publics, et des fois ben, le spectacle jeune public c'est un spectacle de chanson française, comme ça sera le cas avec Da Silva. Donc du coup, comme vous dites, les deux Da Silva, c'est une seule et même personne ? C'est la même personne, bien sûr, mais comme nous, on a deux spectacles, voilà, mais c'est Da Silva pour les adultes le soir, hein, et puis Da Silva, la même personne, l'après-midi pour les enfants dans Le Mystère des Couleurs. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Donc, nous allons reprendre le cours de cette émission, et comme annoncé avant cette fréquence musicale, intéressons-nous désormais à la nouvelle saison de Seine-Vosges. Donc, cette année, cette saison 2021-2022, comme nous l'avons dit en début d'émission, ce n'est pas la première année que vous faites ça. Ah non, c'est même la 15e. Voilà, la 15e année. Et donc, du coup, ça fait 15 ans. Donc, année après année, il n'y a pas eu d'écart entre chaque saison. Non, on a proposé chaque saison. Alors, bien évidemment, si on parle de la saison dernière, elle s'est arrêtée au 24 octobre. Oui, bien sûr. Normalement, elle commence en septembre et elle se termine en mai. Le 24 octobre, comme beaucoup, on s'est arrêté. On pensait qu'on allait repartir et on n'est jamais reparti. Donc, voilà. Mais on a quand même considéré que c'était la 14e saison, celle qui a commencé le 7 septembre et qui s'est arrêtée au 24 octobre. Saison bien courte, mais tout le monde comprend les raisons de cette courte saison. Bien sûr, il n'y avait pas d'autre choix de toute façon. Donc, Jeanne Haddad, que nous avons écouté tout à l'heure, Da Silva, que nous venons d'écouter à l'instant, ainsi que la prochaine artiste que nous écouterons un petit peu plus tard, petit indice, une artiste québécoise. Donc, ils font toutes et tous les trois parties de la programmation 2021-2022 de Seine-Vosges. Donc, j'allais vous demander, comment avez-vous décidé quels artistes viendront performer ? Mais vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est... Vous avez dû faire des choix. Oui, c'est ça. C'est bien évidemment mes choix. Alors moi, j'essaie d'être relativement équilibré dans les 5 domaines. On fait à peu près entre 25 et 30 spectacles par saison. Donc, on essaie de proposer dans chaque domaine 5-6 spectacles de théâtre, 5-6 spectacles de danse, de cirque et ainsi de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette proposition-là, comme on est un lieu de diffusion quasiment à dimension départementale, même s'il y a nos collègues, par exemple, qui œuvrent dans le domaine du théâtre à Neufchâteau ou à Saint-Dié ou d'autres ici, pas très loin, à Vanier. Voilà, il y a un certain nombre d'autres propositions, mais malgré tout, il n'y a pas pléthore de lieux culturels qui diffusent des spectacles dans le département. Donc, dans chaque domaine, on essaie d'avoir une approche la plus large possible. Dans le domaine du théâtre, il nous faut en même temps du théâtre visuel, du théâtre d'acteurs, du théâtre d'auteur et du théâtre classique. Donc voilà, il y a un équilibre comme ça qu'on essaie de trouver dans la pluridisciplinarité une fois qu'on a déjà fait les 5 domaines artistiques qui ont été choisis. Donc les 5 domaines, ce sont les 5 grosses catégories, et ensuite il y a des sous-catégories. Voilà, ensuite on essaie d'être le plus large possible pour couvrir dans chacune de ces catégories la part d'art la plus large possible. Et donc, comme nous l'avons dit, dans cette saison, il y aura vraiment, pour tous les goûts, donc de la danse au chant, aux arts circassiens, en passant par la magie. Exactement. Il y a des spectacles de magie. Il y a un magicien assez incroyable, Thierry Collet, qui va beaucoup travailler dans son spectacle autour du mentalisme. Mmh. Et donc voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va choisir telle chose, sans dévoiler rien du spectacle, il va, le début, chacun est amené à choisir une couleur, et dans une feuille qui est accrochée au-dessus de la scène, ou dans un endroit que tout le monde voit bien, à la fin, il nous démontrera que ce que l'on a fait, nous tous, groupe social de 200, 300, 400 spectateurs, lui-même l'avait prévu. C'est ce qu'il appelle le mentalisme, c'est-à-dire que les comportements sociaux ont des codes, et en même temps, c'est de la magie totale, parce que qui peut croire que ce que l'on va faire pendant 1h30 à 200, 300, 400 personnes peut être écrit au départ. Voilà, il y a une part de mystère. Donc voilà, pour moi, c'est la magie, c'est quelque chose, là, je garde complètement mon regard d'enfant, je ne vais surtout rien comprendre au spectacle de magie, parce que c'est tellement merveilleux, la magie, quand on ne comprend rien. On est projeté dans un autre monde. Et donc, voilà, c'est aussi un spectacle comme celui-ci qu'on accueillera. Bien sûr. Donc, pour les spectatrices et les spectateurs qui iront voir, du coup, ce spectacle, il faudra mettre tous les a priori, les laisser à la porte et puis entrer avec l'âme d'enfant. Thierry Collet, qui était à l'ouverture de la saison, il dit « J'aime beaucoup, beaucoup faire ce spectacle à un mois d'une échéance électorale. » Et là, on sera à un mois d'élection présidentielle. Et voilà, il dit « J'aime beaucoup », et c'est aussi une des fonctions d'une scène culturelle comme Seine-Vosges, de nous aider à réfléchir, de nous aider à comprendre le monde. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas aussi manipulé, hein, en termes de choix électoraux, est-ce qu'on n'est pas manipulé par rapport à des discours qu'on entend et des choses comme ça. Voilà. Ressortir avec beaucoup, beaucoup de questions, mais des questions qui vont nous aider à mieux appréhender le monde, c'est aussi ça quelque chose qui peut être intéressant dans cette proposition artistique. Bien sûr. Donc, il y en aura également, comme on l'a dit, pour tous les âges. Il y aura Da Silva qui fera un conte pour enfants. Il y aura même, il me semble, la représentation d'un conte de Perrault en France et de Grimm, des frères Grimm en Allemagne, le petit chaperon rouge. Ouais. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que c'est déjà passé, c'était fin septembre. Ah, okay. Mais voilà, c'était dans la saison, vous avez raison, hein, c'était un spectacle qui était dans la saison avec une formidable adaptation de Joël Pommerat, qui est un des metteurs en scène majeurs actuellement de la scène théâtrale française. Et pour vos auditeurs, je peux vous dire que Joël Pommerat, on le retrouvera la saison prochaine, parce que pour moi, c'est quelqu'un d'absolument magique, et son petit chaperon rouge a émerveillé bien évidemment les spectateurs qui étaient là. Bien sûr. Et du coup, à travers tous ces spectacles, j'imagine qu'il y a une certaine volonté de faire vivre ou de faire revivre la culture, surtout après la difficile période que nous avons toutes et tous connue depuis près de 2 ans maintenant. C'est clairement ça, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, hein, et que nos êtres humains, nous, êtres humains, on a besoin. On peut très bien se dire, à un moment donné, est-il nécessaire d'aller au théâtre? Est-il nécessaire d'écouter de la musique? Oui, non. Moi, je vais être très, très clair. On peut vivre sans aller au théâtre, on peut vivre sans écouter de la musique, on peut vivre sans lire de livres, on peut vivre sans écouter la radio, il n'y a pas de problème, mais on vit beaucoup moins bien. Mais on ne vit pas la même chose, mais on n'est pas dans le même rapport aux autres. Et je crois que ce qui nous différencie, je le pense, enfin je ne suis pas un spécialiste des animaux ou encore pire des plantes, c'est justement ça, cette capacité que nous pouvons avoir à nous réjouir, à nous reconnaître dans des actes artistiques, à comprendre, à appréhender le monde par des actes artistiques, à se reconnaître dans un lien social qu'on lit. Quel plus beau plaisir que de parler avec quelqu'un d'un film qu'on vient de voir, d'un livre qu'on vient de lire. Et ça, c'est du lien social absolument divin et magique. Donc voilà, toutes ces choses-là qui nous ont tellement manqué pendant 1 an et demi, on les retrouve là. Alors bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on prend toutes les précautions, parce que personne, absolument personne, n'a envie de revivre ce genre de choses, bien évidemment. Mais une fois qu'on a pris les précautions, retrouvons l'humanité qui est en nous, bien sûr. Bien sûr. Et donc, justement, comme nous le disons depuis le début de cette émission, il y aura différents arts qui seront représentés. Mais comment alternez-vous les différents spectacles? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un certain plan dans lequel vous vous dites, alors aujourd'hui, c'est de la danse, demain du théâtre, après-demain du chant, etc. Ouais, c'est bien comme question. J'essaie surtout d'éviter que sur les... Vous voyez, tout à l'heure, je disais, il y avait 5-6 spectacles de théâtre, par exemple, par saison. J'essaie absolument d'éviter qu'il y en ait 3 ou 4 dans le même mois. Bien évidemment, parce qu'on aurait plusieurs mois ensuite. Donc il y a vraiment une volonté, si je reprends par exemple simplement actuellement au mois de novembre, on commence par un spectacle de chansons, après un spectacle de cirque, après un spectacle de théâtre, après un spectacle de jeunes publics, après un spectacle de danse. Voilà, il y a une alternance. Et puis après, bien évidemment, il y a les artistes, leur disponibilité, leur capacité à être présent. Puis après, il y a aussi les disponibilités des théâtres dans lesquels on est amené à faire des propositions. Donc voilà, il y a un certain nombre de paramètres comme ça. Mais une saison, ça se construit à peu près entre quand je rentre de vacances, c'est-à-dire le 15 août jusqu'au fin février. Donc voilà, ces 6 mois-là, c'est aussi pour que ce gros pulse, ce gros jeu de qu'on doit mettre pour agencer un petit peu tout, c'est ces 6 mois-là qu'il faut pour pouvoir le faire. Parce que ça doit représenter une sacrée organisation quand même. C'est assez conséquent, oui, mais après presque 30 programmations, j'ai quelque peu l'expérience pour pouvoir le gérer, que probablement de façon moins stressante que quand j'ai débuté il y a une trentaine d'années. Bien sûr. Donc avant de parler des différentes modalités pratiques, je vous propose de nous lancer tout de suite dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, toujours en rapport avec du coup Seine-Vosges, et que nous écoutions cette fois-ci l'auteure-compositrice-interprète québécoise Linda Lemay avec son morceau Les Souliers Verts. Une nouvelle fois, au niveau de quelques références, ce morceau est sorti en 1998, donc ça fait 23 ans, et est tiré de l'album éponyme de Linda Lemay, donc album intitulé Linda Lemay, tout simplement. Album sorti en 1998 également. Il s'agit d'ailleurs du 5e album de la chanteuse. Donc on écoute ce morceau de Linda Lemay, et on se retrouve juste après pour la suite, et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gémozo. Ça faisait 2 petits mois d'amour qu'on se connaissait. Pas un seul accroc dans le parcours, c'était parfait. On a fini par se faire l'amour, on a choisi notre moment. On était mûrs, on était sûrs de nos moindres petits sentiments. J'étais sceptique, j'étais peureuse, t'as mis 2 mois à remettre ma confiance boiteuse en bon état. J'avais baissé mon bouclier, cessé de nous prédire une guerre. J'étais en train d'emménager lorsque j'ai vu des souliers verts à talons hauts dans le garde-robe. Une paire de souliers verts aussi suspects qu'ignobles. Je les ai regardés droit dans les semelles quand ils m'ont sauté dans la face. Et ça puait la maudite femelle qui a dû les porter rien qu'en masse. Et ce fut un interminable face à face. C'était entre moi et la vieille paire de godasses. Et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux déconcertés. Et j'ai senti la sueur couler le long de ma tempe. Ça faisait 2 petits mois d'amour qu'on se connaissait. Fallait voir ça la belle petite cour que tu me faisais. J'avais cessé de me protéger, depuis le cœur jusqu'à la chair. Je me sentais en sécurité jusqu'à ce que je vois des souliers verts à talons hauts sur la tablette. Une paire de souliers verts de femme ou de tapette. Je les ai regardés droit dans les semelles. Dieu merci, c'était pas ta pointure. Je suis allée mettre des gants de vaisselle pour m'emparer de ces petites ordures. Quand je suis arrivée dans la chambre en te les montrant, t'étais comme un caméléon sur le lit blanc. Je t'ai demandé à qui c'était. Je peux pas croire que t'as bredouillé exactement ce que je craignais. Que t'en avais aucune idée. Que t'étais le premier surpris. Que t'avais jamais vu ça avant. Au grand jamais, jamais de la vie, non, sincèrement. Mais oui, ça pousse des souliers verts. C'est comme une sorte de champignon, une sorte de quenouille, de fougère. C'est bien humide dans ta maison. C'est parfaitement compréhensible que ça apparaisse des souliers verts. Je pense même qu'il y en a des comestibles, mais eux, ils poussent dans le frigidaire. C'est sûr que j'ai pas à m'inquiéter. Des petites chaussures de rien du tout. Le petit modèle de fin de soirée pour dame à 4 pattes. Qui sait si c'est pas le Saint-Esprit qui est venu t'octroyer des souliers. C'est comme les brassières en dessous du lit qui poussent chez d'autres miraculés. Bien sûr, faisait deux petits mois d'amour qu'on se connaissait. J'allais quand même pas laisser ça nous séparer. Mais si tu veux bien mon amour, je vais me permettre un commentaire pour toutes les jeunes filles au cœur lourd qui ont rencontré des souliers verts. Allez chercher vos gants de vaisselle, puis jetez-moi ça à la poubelle. Vous saurez pas le fond de l'histoire et c'est peut-être mieux de pas le savoir. Fermez vos yeux, petite brebis, vous irez droit au paradis. Le ciel est rempli de petits anges qui ont jeté des souliers au vidange. Et puis je vous parie qu'en enfer, dans la basse-cour du vieux Satan, il y a plein de poules en souliers verts, il y a plein de maris innocents qui les ont jamais vus avant. Non, sincèrement, bien sûr. Linda Lemay avec son titre Les souliers verts sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour? Il est 14h51, vous êtes toujours en direct, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radioguemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même, comme je le disais tout à l'heure, dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Jackie Castan, directeur de Seine-Vosges, qui est là pour nous parler de Seine-Vosges afin que de la nouvelle saison de Seine-Vosges. Tout est toujours bon pour vous? Toujours très bon. Parfait. Donc, on en discutait un petit peu pendant cette pause musicale, je crois. À savoir que la venue de Linda Lemay pour Seine-Vosges s'est déroulée un petit peu particulièrement. Ah oui, c'est un spectacle qu'on n'avait pas prévu. D'ailleurs, vos auditeurs, s'ils regardent notre plaquette, s'ils ont notre plaquette sous les yeux, ils verront. Mais Chris, il est en train de dire n'importe quoi parce que Linda Lemay n'est pas dans la plaquette. Et oui, c'est une artiste qu'on a décidé de programmer au mois de septembre, c'est-à-dire bien après l'édition de notre plaquette, pour simplement la raison principale, pour deux raisons, pardon. La première, c'est qu'on avait supprimé beaucoup de spectacles pendant un an et demi, on en a parlé, et que donc tout d'un coup, on donnait plus que ce qu'on donne dans la plaquette. Cette idée nous a beaucoup plu. Et puis parce que c'est Linda Lemay, c'est-à-dire on a eu le bonheur, le plaisir de l'accueillir il y a 5-6 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est une artiste d'une générosité incroyable, générosité à tous les niveaux, dans sa manière de chanter. Elle avait fait un tour de chant de 2h30, et puis après, elle avait rencontré son public pendant une heure et demie. Alors je peux toujours raconter l'anecdote qui est très très drôle, c'est que Linda Lemay vient en général pour une dizaine, quinzaine de jours du Québec, pas beaucoup plus, et conserve l'heure du Québec. D'accord. Donc elle vit à l'heure du Québec, donc elle se couche à 4 heures du matin en général. Donc c'est pour ça aussi, entre guillemets, qu'elle n'est pas forcément très très pressée de partir, mais je crois d'abord et avant tout que c'est une personne d'une grande grandeur d'âme et qu'elle a envie de rencontrer son public. Et voilà, c'est un concert donc qu'on a rajouté le mercredi 15 décembre et que donc je crois que ça va être un moment assez divin et magique. Enfin voilà, c'est juste avant Noël, on a vraiment souhaité faire un petit cadeau de Noël à nos spectateurs, spectatrices, parce que c'était encore une fois, après 18 mois comme ça, on avait besoin de Linda Lemay. Bien sûr. Et donc, du coup, Linda Lemay viendra chanter, mais ça sera sur la scène de la Rotonde ? Ça sera à la Rotonde, oui. Voilà. Donc, comme ça, si nos auditrices ou auditeurs veulent aller écouter Linda Lemay, ben, rendez-vous à la Rotonde le 15 décembre. Le 15 décembre. Voilà. Et bien sûr, maintenant, on va parler des modalités pratique, parce qu'il y en a quelques-unes. Bien sûr, les spectacles ne sont pas gratuits. Il y a une certaine grille tarifaire allant de A à D, si je me suis bien renseigné. Donc, comment calculez-vous cette grille et combien cela représente-t-il en matière de prix ? Alors, il y a 4 grilles, là, pour faire très simple. Il y a 3 grilles pour le public, le tout public, et une grille pour le jeune public. C'est d'accord. La grille D, donc c'est la moins chère, c'est la 5,5 euros la place. Et autrement, les spectacles A sont les spectacles les plus chers. C'est par exemple dans les spectacles dont on a parlé, Linda Lemay. La grille B, c'est les spectacles intermédiaires, ceux qui ont un coût relativement important, mais qui peuvent peut-être aussi pas avoir forcément un public aussi important. Donc, on minimise un peu le coût par rapport à un coût A. Et puis, la tarification C, qui est à 16 euros la place, avant, bien évidemment, toutes les réductions dont chacun peut bénéficier, c'est quand même le tarif principal. C'est-à-dire que sur les 29 ou 30 spectacles payants, il doit y en avoir 18 de la catégorie C. Donc, plus les 6 de la catégorie D, on voit qu'on est vraiment sur un tarif de base de 16 euros pour les spectacles ici à Seine-Vosges. D'accord. Et donc, pour bénéficier des spectacles, par exemple, il y a possibilité de s'abonner. Oui, l'abonnement est très intéressant. D'abord, il est très facile. Il se fait à partir de 3 spectacles, hors jeune public. Mais 3 spectacles, dans les 24-25 tout public, dès qu'on décide de choisir 3 spectacles, on a tout de suite pour chaque spectacle 3 euros de réduction. Et si on va sur le deuxième type d'abonnement, c'est-à-dire qu'on prend au moins 6 spectacles, on a 6 euros de réduction par spectacle. Comme vous vous rappelez, je vous ai dit à l'instant que le principal tarif, c'est le tarif C à 16 euros. Voilà, quelqu'un qui s'abonne à 6 spectacles, il peut avoir beaucoup de spectacles à 10 euros, qui est quand même très accessible. Enfin, je sais qu'il y a aussi des conditions financière difficile pour un certain nombre de personnes, mais on est plutôt beaucoup moins cher que d'autres structures culturelles équivalentes. D'accord. Et donc, pour acheter les places, dans quel lieu pouvons-nous nous rendre ? Alors, on vient de déménager, nous, les bureaux de Seine-Vosges, hein, parce qu'on n'est ni au théâtre municipal, ni à la Louvière, ni au théâtre de la Rotonde. On vient d'aménager des nouveaux locaux aux 5 rue Thiers, à Épinal. C'est la rue du Conservatoire, par exemple, pour ceux qui le connaissent. Et donc, nous sommes ouverts toutes les après-midi, du lundi au vendredi, de 14h à 18h. Autrement, on peut aussi, bien évidemment, téléphoner. 03 29 65 98 58 ou aller sur notre site internet où vous aurez des extraits des spectacles si vous voulez avoir surtout peut-être pour les spectacles de danse, de chansons, avoir des extraits des spectacles, vous pourrez avoir un extrait dans chacun des spectacles et puis on peut prendre ses places aussi par internet. Et quelque chose que j'ai découvert en préparant cette émission, comme vous parlez de danse, de chant, etc., il me semble qu'avec une certaine Muriel Boulet, il y aura de la lecture dansée. Muriel Boulet, c'est une danseuse d'abord de Jean-Claude Galota. Hein. Jean-Claude Galota, c'est notre chorégraphe associé. On n'en a pas parlé, mais on a deux artistes associés, l'un dans le domaine du théâtre, Pierre Guillois, et l'autre dans le domaine de la danse, Jean-Claude Galota. Et Muriel Boulet est une danseuse qui est une danseuse classique au départ, alors d'accord. Jean-Claude Galota n'est pas, c'est ce qu'on appelle la danse contemporaine, c'est pas classique, et donc Muriel Boulet a fait toutes ses premières armes dans le monde elle a entre 50 et 60 ans, dans le monde de la danse classique, et puis après elle a découvert l'univers de la danse contemporaine, et en particulier l'univers de Jean-Claude Galota. Et donc elle a décidé d'écrire un texte autour de son histoire, et ça va faire un spectacle qui va être créé chez nous fin avril au théâtre municipal, le tout petit théâtre municipal dont on a parlé en début d'édition. Mmh. Elle sera seule sur scène, elle dansera bien évidemment, mais surtout elle nous racontera son histoire à elle, qui quelque part est l'histoire de la danse actuelle, c'est-à-dire on part de la danse classique et très souvent on se retrouve dans la danse contemporaine. D'accord, ça promet un spectacle assez intéressant en matière de connaissances. Donc il est 14h58 déjà, donc nous arrivons déjà malheureusement à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Non, je crois qu'on a à côté de tous les spectacles dont on a parlé, qui est bien évidemment notre face visible et importante, on a des actions culturelles, on a des stages. Si à un moment donné vous voulez vous initier par exemple au théâtre ou à la danse, chaque année on fait des propositions de stages. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site ou sur notre plaquette. On a des spectacles, mais on n'a pas que ça. Voilà. Et donc si nous voulons vous suivre et suivre l'actualité de Seine-Vosges, comment pouvons-nous faire ? On a un Facebook, hein, on peut demander à être ami de notre Facebook, et voilà, donc on y met quasiment chaque jour des informations qui permettent de suivre un petit peu la vie de Seine-Vosges, et puis bien évidemment il y a notre site où il y aura toutes les grandes informations, en particulier un dossier pédagogique sur chaque spectacle, les vidéos dont on a parlé, voilà, sur chaque spectacle il y a beaucoup beaucoup d'informations. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles et toutes les informations utiles en podcast de cette émission demain dans la journée. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, vous remercie infiniment, Chris. On a pris le temps de parler, de présenter Seine-Vosges. Et voilà, merci à vos auditeurs d'avoir eu la gentillesse de m'écouter. Et j'espère très prochainement dans une salle de spectacle. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais c'est pas un mal, au contraire, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, on va dire. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Jackie, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission, posté demain sur notre page Facebook dans la journée et sur notre site internet. Et si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Avec grand plaisir. Voilà, de toute façon, j'ai votre adresse mail, donc je vous enverrai tout ça dès demain. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, moi, je vous laisse en musique après le générique avec Nightmares on Wax et leur titre Master Plan. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux une nouvelle fois Michael Riquelinck, qui sera là pour nous parler de Stone Balance et de tout ce qu'il fait, en particulier le slam. Donc voilà, merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup, je vous dis à demain. Donc salut, et à demain.